Philippe Molineux et le fidèle valet François ont soigné le blessé avec compétence et dévouement. Une semaine s'est écoulée et depuis hier, M. Beaucaire est sur pied. Son premier soin a été d'avertir le maître des cérémonies qu'il se présenterait aujourd'hui même à la soirée de gala actuellement. Lady Lucie assiste naturellement à la réception. Elle est de fort méchante humeur. Depuis 8 jours, Philippe Molineux l'abandonne. Ni lettre, ni visite. Ce soir, enfin, il doit venir au casino. Naturellement, il mérite une leçon. Aussi, Lady Lucie affecte-t-elle de filer le parfait amour avec Raquel, qui d'ailleurs manque. Je connais une belle, trop belle, hélas, à mon amour rebelle qui m'a pris dans ses larmes. Et la cruelle a fait serment d'être muette à mon tourment. Je connais un pauvre homme parfait amant et que j'ai tort en somme de traiter durement. J'en ai regret et j'ai juré de me taire et je me tairai. Ni l'un ni l'autre ni rien, un serment nous retient. Et c'est pourquoi, ni vous ni moi, pourquoi? Eh bien, nous ne nous disons rien. Pourquoi? Eh bien, nous ne nous disons rien. Mais j'y pense, on va rire si j'ose oser. Qu'un beau soir sans rien dire, je lui prenne un baiser. Elle a prévu dans son serment les mots, mais non le sentiment. Il est clair que s'il ose, j'ai fait serment de rester bouche close aux mots uniquement. Rien ne m'oblige à refuser de rendre baiser pour baiser. Ni l'un ni l'autre ni rien, un serment nous retient. Et si pourtant, l'amour nous tient, eh bien, on se comprend très bien, eh bien, on se comprend très bien. Ils s'éloignent, fort satisfaits l'un de l'autre. Entre Raquel et Nash, très affairés, la mine consternée. Oh, qu'arrive-t-il? Je suis bafoué. Malgré mes ordres, le coquin de Barbie a pénétré dans le parc. On le cherche, venez tous. Mais ça y est, Nash. Il est entré. Il faut l'exterminer. Suivez-moi. Messieurs, pas de scandale, je vous en conjure. Je suis responsable comme fonctionnaire. Suivez-moi. Messieurs, je vous en prie. Évitons le scandale, messieurs. Je vous en prie. Lucie. L'a-t-on pris? Non, il est trop malin. Oh, et Philippe, où est-il? Avec son ami. Oh, quelle honte, se cacher ainsi comme des voleurs. Il ne se cachait pas? Non, les voici. Madame. Monsieur Molineux, on vous trouve en singulière compagnie. Je suis près de mon ami, madame. Vous tenez donc à partager sa honte? Rendez grâce à son obligeance, madame. Sœur Philippe Molineux, à l'entrée de cette maison, voulut bien se porter garant pour moi. Et aussitôt, les 14 amis galonnés de Monsieur de Winterset ont courtoisement fait la haie sur mon passage. Molineux, je vous offre une chance, une seule, d'échapper au déshonneur public. Une chance à cet homme d'échapper à la prison. Qu'il s'en aille au plus vite. Vous, donnez-moi le bras. et rentrons dans la grande salle, comme si de rien n'était. Oh, madame. Acceptez-vous, monsieur. Pardonnez-moi, madame, je ne puis. Je regrette. Venez, Lucie. Madame, l'autre soir, je n'ai pas pu tout vous dire. Excusez le trouble où j'étais, une blessure, ou plutôt une simple égratignure. Je ne sais pourquoi, tout tournait autour de moi, et j'ai dit seulement les mots que j'avais la force de vous dire. Depuis, j'aurais dû parler, peut-être. Mais comment vous expliquer? C'est la faute au roman, à l'aventure, à la divine fantaisie. J'espérais connaître l'amour simple, vrai, en dehors des orgueils et des conventions du monde. Madame, madame, est-il donc impossible de croire à l'amour? D'un imposteur. Mais un imposteur qui aime comme je vous aime, est-il donc un imposteur? Supposez, oh, pour un instant, que je ne sois pas l'homme que vous croyez. Supposez que ce Beaucaire soit réellement le gentilhomme dont un soir, dans la féerie du clair de lune, votre cœur écouta la chanson. Ce Beaucaire-là, ce rustre sans naissance, mais brave, mais honnête homme, et digne après tout d'être noble si le sort l'avait voulu, ce Beaucaire, le jugeriez-vous indigne, à jamais indigne de votre... Quand vous seriez ou fille ou reine, et vous l'êtes sûrement, d'un cœur obscur qu'amour entraîne, il monte des mots d'amour. Où cet amant n'est rien à la cour, il n'a pour lui que son pauvre amour. Mais cet amour dont lui-même a l'effroi le fait plus riche et plus heureux qu'un roi. Sous les étoiles, par un beau soir d'été, l'heure est si vain, rien n'est divin que l'amour et l'obscurité. Plein d'espoir, blotti dans le noir, sentir-vous émouvoir un étrange et troublant. Si tendre, et rêve et grandit mon cœur. Quand on l'éprouve, on peut prétendre au droit d'être un jour vainqueur. C'est ici-bas que l'on aime ainsi, d'un tel espoir et d'un tel souci, que sans déchoir accepter de l'amant le seul bonheur qu'au monde. Sous les étoiles, par un beau soir d'été, l'heure est divin, rien n'est divin que l'amour et l'obscurité. Plein d'espoir, blotti dans le noir, sentir-vous émouvoir un étrange et troublant pour. Dans le soir, Regardez-moi. Non. Regardez-moi bien. Oh, non. Regardez-moi dans les yeux et répétez maintenant que je suis un imposteur. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Madame, si ici même ce soir je vous apporte la preuve que je suis un homme d'honneur, m'accorderez-vous alors une grâce? Quelle grâce? Celle de venir en France avec moi. Ne vous détournez pas. Revenez près de moi. Eh bien, soit. Tout à l'heure, je voulais m'en aller pour toujours. Pour toujours? Oui. Mon orgueil en aurait eu la force. Mais je vous ai vu. J'ai vu votre âme. Qui êtes-vous? Je l'ignore et que m'importe. Ce que je sais désormais de tout mon cœur, c'est que je vous aime. Sans savoir. Cache plus son amour pour Beaucaire. Lady Lucie et Molineux lui témoignent ouvertement leur amitié. Winterset en ressent une rage accrue et s'efforce une fois encore de le faire tomber dans un traquenard. Mais Badger se dérobe tandis que Bunnison, Raquel et Tom Brake commencent à se demander d'où ce damné barbier peut bien tenir les multiples décorations dont est constellé l'habit magnifique qu'il porte ce soir. Soudain, Nash rassemble tout son monde autour de lui par l'annonce d'une arrivée. Messieurs! Son Excellence, Monsieur le Marquis de Mirepoix, ambassadeur de Sa Majesté très chrétienne, le roi Louis de France. À l'étonnement général, le Marquis de Mirepoix, sans répondre aux saluts qui lui sont prodigués, se dirige vers le seul Monsieur Beaucaire et respectueusement. Mère, mère et clémente, porte un nœud d'un flot qui dort, que j'emporte au loin mon amante jusqu'à la grève au sable d'or. Ainsi finit charmante, et tendre tour à tour, soit un beau jour cette histoire d'amour, de prince échappé de sa cour. Notre peuple sont amis, sauf quand ils sont ennemis, mais ils savent d'un même cœur applaudir ensemble à l'amour vainqueur. Les fêtes et les chantiers, anglais ou français, au regard de chacun. Nos deux peuples sont amis, sauf quand ils sont ennemis. Mesdames, Messieurs, la radiodiffusion télévision française vous a présenté Monsieur Beaucaire, opérette romantique en trois actes d'André Rivoire et Pierre Weber, d'après la nouvelle de Booth Tarkington. Musique d'André Messager. Voici quelle était la distribution. Monsieur Beaucaire, Jacques Janssen. Lady Mary Carlyle, Lina Dachary. Lady Lucie, Christiane Jacquin. Sir Philippe Molineux, Bernard Alvy. Le duc de Winterset, Dominique Tirmont. Nash, Jacques Pruvot. Le capitaine Badger, Lucien Huberti. Tom Brake, Gaston Ray. Raquel, René Lenotti. Bantison, Michel Fauchet. Le duc de Mirepoix, André Balbon. François, Géniaud. Réalisation et mise en onde musicale, Lucien Duchemin. Collaboration artistique, Georges Foy. Le texte de présentation était de Denise Vautrin, dit par Jacqueline Claire. Les solistes, l'orchestre lyrique de la radiodiffusion télévision française et les chœurs étaient placés sous la direction de Jean-Paul Crémier.